mes amis. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment passé un week-end de malade mental. Samedi matin, j'étais chez moi, pépère en train de limer les dents de Zouzou, quand d'un seul coup, le téléphone sonne. Ah, pas moyen d'être tranquille à la maison un samedi. C'était maman. Elle me disait que ça faisait trop longtemps maintenant que j'étais seul, et elle m'annonçait qu'elle m'envoyait une fiancée. Problème numéro 1, je veux pas de fiancée. Problème numéro 2, je peux pas dire non à maman. J'ai essayé de lui expliquer que c'était gentil de sa part, mais que je n'avais nullement besoin de fiancée tyrolienne, que je me débrouillais très bien comme ça à Paris. Ce à quoi elle a répondu Là, j'ai insisté en lui disant que d'avoir une fiancée de plus ne m'apporterait que de la fatigue en plus et qu'à mon âge, il fallait que je me ménage. J'ai droit comme réponse à puis elle a raccroché. 5 heures plus tard, on frappe à ma porte. Je vais ouvrir et là... Salut Helmut, c'est moi Frida. Je suis ta nouvelle fiancée, j'ai envie de toi. Oh, doux Jésus, mais vous êtes bonne. Je comprends pas, d'habitude, ma mère, elle a des goûts de chiottes. Oui, mais là, c'est différent. Elle a organisé une réunion et après présentation des candidates, on a tout essayé. J'ai tout essayé par ta cousin. J'ai été essayé par ta cousin. Et comment est-ce que vous avez été départagé? J'ai gagné parce que je suis la seule survivante. Ah, je reconnais bien ma famille. Tu veux quelque chose à manger? Tu veux boire un schnapps? Non, je veux consommer ma relation tout de suite avec toi et maintenant. Ah, je vois. T'es du genre à bouffer le salami avant de sortir de la charcuterie, la bavaroise, hein? C'est plutôt pour me plaire. Allez, viens dans ma tanière, la belette. Je vais te lisser le poil. Tu vois ce corps d'athlète ougandais? Aux muscles d'acier qu'on dirait taillés dans le plus beau marbre de la Renaissance italienne? Eh bien, il est pour toi, ce corps. Il va te faire crier des mots d'amour dont jusque-là tu ignorais l'existence, petite apprentie heureuse. Et là, mes amis, vous me connaissez. J'ai pas fait dans le demi-gros. Ah. Je lui ai tout mis. Et plusieurs fois de suite à la Valkyrie. Pour tout vous avouer, je suis resté 42 heures sur le morceau. Et à l'intérieur souvent. Et c'est au moment où j'ai commencé à remettre mes fringues qu'elle est sortie de son coma à la tyrolienne. Elle m'a regardé. Elle s'est levée. Nue et arrogante à la fois. Elle a mis un CD. Et elle m'a dit... Tu vois ce corps de déesse en forme incroyablement généreuse qu'on croit sortir tout droit des rêves de chez Michelin? Eh bien, il est encore pour toi. Et pour les prochaines 55 heures, il va te rouler dans la luxure et dans l'extase. On va tellement se mélanger que tu ne sauras plus quel morceau est à moi et quelle viande t'appartient, mon vieux mouflon géniteur. Du coup, ça m'a fait peur. Je l'ai coupé en 4, je l'ai balancé dans le vide d'ordure. Bon, je vous laisse, faut que j'appelle ma maman pour lui dire que ma fiancée s'est tuée dans un accident de vaisselle. Oh, j'espère que ça va passer comme petit mensonge. Allez, au vide d'azène.